pienso en ti. ¿Dónde estás tú? J'ai besoin de faire un mec. Je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. De chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin, si je rencontre une âme belle. Et toi, ce lien. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin, si je rencontre une âme belle. Et toi, bye.